Alain Désiré, Bukeyeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, accusé de génocide aux forces armées burundaises en mission de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui rejette en bloc le ministre burundais de la Défense nationale. Certains transporteurs par véhicule de type Probox ont observé un mouvement d'arrêt de travail depuis le matin de ce lundi au parking du chef-lieu de la province Makamba. Des pertes occasionnées par la pénurie de carburant en constituent la principale cause. Et puis 10 milliards de francs burundais, 10 millions de dollars, tel est le montant entré dans le trésor public pour une période d'une année grâce à des travailleurs migrants burundais dans les pays arabes. Vous entendrez le ministre des Affaires étrangères. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Général-major de police Léonidas Ndarouzani a été approuvé ce mardi par le Sénat burundais comme nouveau gouverneur de la province Ngozi. Il venait de partir en retraite anticipée et il vient remplacer Désiré Minani en fonction depuis octobre 2023. Le nouveau gouverneur était avant la retraite chef de cabinet police à la présidence de la République du Burundi. De le Rwanda à travers son ministre des Affaires étrangères, dans une interview accordée à la radio américaine Voix d'Amérique ce lundi, a lancé des accusations de génocide aux forces armées burundaises en mission de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale du Burundi rejette ces accusations du Rwanda lors de la présentation des réalisations du deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025. Alain Tribert Mutabazi estime que ces allégations du Rwanda contre le Burundi ne visent qu'éternir l'image des forces nationales de défense du Burundi. Il ajoute en outre que les militaires présents sur terrain se portent bien. Écoutez ces précisions. Je peux dire que c'est un mensonge pour le fait de ternir l'image des forces de défense nationale du Burundi au moment où la communauté internationale et le gouvernement congolais apprécient leurs interventions. Vous comprenez bien que pour ceux dont les interventions sont condamnées, ils cherchent à ternir l'image d'autres pays. Ces propos sont donc habituels. Ils concernent majoritairement des dénonciations calomnieuses. Nous tenons donc ici à vous rassurer que cela est impossible. Vous savez bien que les forces armées burundaises sont bien disciplinées et que la question des luttes des identités ethniques est déjà dépassée chez nous. On cohabite dans la paix. Concernant la situation des militaires burundais en mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, je peux vous dire qu'ils se portent bien dans leur travail. Ils vaquent convenablement à leurs tâches partout où ils sont déployés, en République démocratique du Congo et ailleurs, car ils accomplissent leurs devoirs. Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense nationale, dans les traductions françaises de Jean de Dieu Irakoze. Le ministre des Finances appelle les Burundais à ne pas conserver leurs sommes d'argent dans les ménages, mais plutôt les déposer dans les banques et microfinances pour éviter d'éventuels risques. Nestor Naounouye l'a dit ce lundi lorsqu'il répondait aux questions orales des députés par rapport au projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est après que des élus du peuple aient soulevé des difficultés liées au retrait de l'argent déposé dans des banques, d'où certains préfèrent conserver leur fortune dans les ménages. Le point avec Évariste Nzikobanyan. Au cours de ces questions orales à l'endroit du ministre des Finances, le député Douiman Hassan a indiqué que les commerçants ont du mal à déposer leur argent à la banque, arguant que cette dernière ne leur facilite pas la tâche lorsqu'il s'agit de retirer une somme d'argent comme ils le veulent. D'où certains optent pour la conservation de leur somme d'argent dans les ménages, explique le député Hassan Douiman. Imposer aux gens de retirer telle ou telle autre somme, ça vient fatiguer les commerçants, d'où il y a ceux qui peuvent vendre jusqu'à jusqu'à 200 millions, voire même un milliard. C'est ce qui pousse aux gens de ne pas déposer leur argent à la banque et de décider de conserver leur argent à la maison pour mieux continuer leurs activités. Même nos fournisseurs n'aiment pas les virements bancaires. Ils font payer des cash. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Hakarutimana, qui officiait la plénière de ce lundi, ne donne pas raison au député Hassan Douimane. Nous, en tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons pas encourager que l'argent soit conservé dans nos boutiques. Car si un incident se produit, le propriétaire perd ses marchandises et son argent. Vaut mieux prendre le risque de déposer cet argent à la banque conformément à la loi. Même son de cloche avec le ministre des Finances qui trouve que conserver de l'argent dans les ménages enfreint le développement du pays, d'où la population doit se conformer à la loi en ce qui est retrait par jour. Qui ne satisfait pas, le ministre Nestor Naonouye tranquillise que bientôt il y aura un léger mieux, que la loi est relative et sera revisée. Il est incompréhensible que les retraits de 10 000 dollars et de 30 millions de francs bout soient insuffisants. La BRB est en train de faire des analyses afin qu'il y ait un léger mieux pour qu'au moins l'on puisse familiariser les Burundais avec la loi régissant les transferts. Le ministre des Finances rappelle à la population burundaise que cette mesure portant limitation des retraits à la banque a été prise dans tous les pays du monde dans l'optique de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Évariste Nzikobanyang, certains transporteurs par véhicule de type Probox au parking du chef-lieu de la province Makamba ont arrêté leur travail depuis le matin de ce lundi. Ils disent qu'ils travaillent à perte et ils déplorent que la pénurie de carburant fasse qu'ils s'en approvisionnent en Tanzanie à des prix élevés. De plus, ils se trouvent exposés à une peine d'amende allant jusqu'à 700 000 francs burundais en cas de hausse du prix de transport. Ils trouvent que rendre disponible le carburant dans le pays serait la solution à tous ces problèmes. Élisée Quizel. Ces conducteurs de véhicules de transport de type Probox dans la province Makamba ont arrêté leur travail depuis le matin de ce lundi, là où nous sommes arrivés le matin de ce mardi. Au parking du chef-lieu de cette province, il n'y avait aucun véhicule de ce type de 7h30 à 7h40. Certains de ces conducteurs racontent qu'ils ne sont plus à mesure de travailler à perte suite au manque du carburant. Ils signalent que 2 mois viennent de s'écouler sans être approvisionnés en carburant de type essence et s'approvisionne actuellement en Tanzanie à un prix élevé par rapport au prix de son carburant au Burundi, d'où la revue à la hausse du ticket de transport afin de récupérer la somme d'argent dépensée pour l'achat du carburant. Et une fois attrapé, acquisé de cette hausse, une amende de 500 à 700 000 francs burundais leur est infligée, disent-ils. Ils implorent la disponibilisation du carburant, la réduction d'amende et le droit de négocier avec les voyageurs en cas de pénurie du carburant. Selon certains des voyageurs, le prix de transport avec ces véhicules de type Probox était par exemple d'au moins 10 000 francs burundais du chef-lieu de la province Makamba à la commune Nyanzalak, alors qu'il s'agit d'un trajet de 5 100 francs burundais selon le prix fixé par l'État depuis Makamba. Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Élisée Kwizera, merci. Et je vous l'avais dit dans les titres, un montant de près de 10 milliards de francs burundais et 10 millions de dollars est rentré dans le pays pour une période d'une année grâce à des travailleurs migrants burundais dans les pays arabes, annonce du ministre en charge des affaires étrangères ce lundi lors de la présentation des réalisations semestrielles de l'année 2023-2024. Albert Shingiro a indiqué que le Burundi a également signé des accords bilatéraux similaires avec des pays tels que le Qatar et le Gabon. Suivez les traductions en français par Jean-Marie Mayong. Tuzobandanya turonderera ugwaruka g'u Burundi impusha zo kwiga hanze. Nous allons continuer à chercher les bourses d'études pour nos jeunes Burundais et pour les fonctionnaires pour acquérir d'autres connaissances à l'étranger dans différents domaines du travail. Nous allons chercher toujours les activités ailleurs pour nos jeunes dans différents pays, mais avec des mesures qui les protègent, qui seront dans les conventions entre les deux pays. Jusqu'à présent, plus de 10 000 Burundais ont eu de l'emploi dans l'Arabie Saoudite, dans une période d'une année et demie seulement. Si on y ajoute ceux qui ont eu du travail avant la signature des conventions, au total, ils arrivent à 17 000 Burundais. Nous avons collecté une somme d'argent qui approche 10 milliards de francs burundais et 10 millions de dollars à cause de cette activité d'échange des travailleurs. Je signale que l'Arabie Saoudite nous a promis d'accueillir 25 000 Burundais qui vont avoir du travail pour une durée de 3 ans. Puisque nous n'avons pas de vols qui font le trajet entre nos deux pays, ça nous sera difficile de pouvoir le réaliser dans ces 3 ans. Mais espérons que ça pourra être réalisé dans une période de 5 ans. Ce travail est réalisé dans d'autres pays où les conventions et accords bilatéraux similaires d'échange de travailleurs sont en cours. Et nous le faisons dans les pays tels que Oman, Emirates, Koweït, Darlene et autres pays. Ibihugu bya Bahrain n'ibindi byo mu Barabu hamwe n'ibindi bihugu byo muri Afrika nka Gabon n'ibindi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition de la société traditionnelle patriarcale au Burundi qui fait que le masculin prenne le dessus sur le féminin reste toujours la cause principale des inégalités entre les hommes et femmes au Burundi. Cela devient un handicap pour la représentativité de la femme dans les milieux publics. Propos d'un chercheur parmi ceux qui ont élaboré un rapport de la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM, publié ce lundi. C'était au cours d'un atelier de validation de la dite recherche. L'UNDAS Ndayisaba propose une sensibilisation sur les droits de la femme afin de remédier à ces inégalités. Vous avez un système patriarcal, un système traditionnel patriarcal qui, où le masculin, père, fils, prennent le dessus sur le féminin, mère, fille, et avec des normes y afférentes et même des pratiques conséquentes. Autrement dit, ce qu'on peut attendre d'une femme soucieuse, que ce soit une femme soumise, une femme devant toujours être confinée dans les travaux, paix ou pour non rémunérer, travaux de champ, travaux de maison, etc., et être peu présente dans l'espace public, par exemple. Cela a des conséquences, c'est que donc, même au niveau de la prise de décision, de la participation à l'intérêt du ménage, ce sera toujours le système patriarcal qui va prendre le dessus. Nous sommes dans un système où, dans un milieu rural, où les individus proches vivent presque côte à côte, grands-parents, parents, belles-mères, belles-sœurs. D'un côté, on voudra la liberté pour soi, mais lorsqu'il est question de sa belle-mère, sa belle-sœur, là, on voudra que ce soit le système patriarcal qui prédomine, autrement dit, dans lequel peut-être on se sent plus en sécurité. Notre recommandation à l'endroit des autorités, le thème brûlant, la loi sur les successions, l'application de la loi sur les violences basées sur le genre, sur la punition, l'application des lois, il faut faire convaincre les autorités, voir comment travailler avec elles pour arriver à ce que au moins les lois déjà existantes puissent être respectées. L'autre travail, c'est celui de la sensibilisation aux droits et devoirs de chacun, quels pourraient être les droits de l'homme, de la femme, dans ces conditions. Quels sont les droits quand vous êtes membre d'une famille en tant que père, en tant que mère? La mise en place du dispositif de lavage des mains à l'eau potable contenant du désinfectant et un personnel soignant sont les mesures prises par la direction du port commercial de Rumonge pour se prévenir contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Marburg signalée en République unie de la Tanzanie. Cependant, le chef de ce port dit que les infrastructures abritant le personnel médical dans ces conditions font défaut, celles existantes étant inondées par les eaux du lac Tanganyika. Selon Agrin Nduimana, une place à aménager pour une cellule est disponible dans la nouvelle place où ce port a déménagé. Jean-Pierre Misako. Dans le hangar servant de stockage et de marchandises en cas de retrait des eaux du lac Tanganyika, dans le port commercial de Rumonge, un bidon contenant de l'eau chlorée y est placé. Selon Agrippine Nduimana, cheftaine de ce port, c'est là où les voyageurs qui entrent au Burundi via ce port en provenance des pays voisins se lavent les mains avant d'être examinés par une cellule médicale sur place afin de se prévenir contre l'importation et la propagation au Burundi de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Marburg, une maladie déjà signalée dans certaines zones de la République unie de la Tanzanie, frontalière avec le Burundi. Cependant, il reste jusqu'à présent difficile d'éviter tout contact avec le nouveau venu avant d'atteindre la cellule médicale temporairement abritée dans les nouveaux bâtiments de ce port, car l'ancien couloir par lequel passaient les voyageurs dans ce genre de situation ne fonctionne plus, les infrastructures étant inondées par la montée des eaux du lac Tanganyika, déplore une infirmière rencontrée sur place. De leur côté, la cheftaine du port commercial de Rumonge dit qu'une place à aménager pour cette cellule médicale est disponible dans la nouvelle parcelle occupée par ce port. En ce qui concerne les voyageurs qui entreraient clandestinement au Burundi en provenance notamment de la Tanzanie, la cheftaine du port commercial de Rumonge dit que la tâche revient à l'administration locale de redoubler de vigilance. Jean-Pierre Misago depuis le port commercial de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et c'est par ici que s'achève cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, accuse de génocide aux forces armées burundaises en mission de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui rejette en bloc le ministre burundais de la Défense nationale. Certains transporteurs par véhicule de type Probox ont observé un mouvement d'arrêt de travail depuis le matin de ce lundi au parking du chef-lieu de la province Makamba. Des pertes occasionnées par la pénurie de carburant en constituent la principale cause. Et puis 10 milliards de francs burundais et 10 millions de dollars, tel est le montant entré dans le trésor public pour une période d'une année grâce à des travailleurs migrants burundais dans les pays arabes. Ce qu'annonce le ministre burundais des Affaires étrangères. Point final à ce journal. François Akiman a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis.